Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons à étudier la manifestation de la colère de Dieu contre le monde qu'il a rejeté. Notre bon Père du ciel, c'est pas pour rien que la parole de Dieu nous appelle à craindre Dieu, parce que sa colère est grande contre ceux qui le rejettent. Dieu a averti le monde depuis sa création. Que tous ceux qui le rejetteraient, que tous ceux qui seraient idolâtres subiraient sa colère. Donc, l'homme avait été averti de tous les temps. Et le jour vient où cette colère va détruire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour en faire un nouveau. Où est-ce qu'il va habiter, lui et l'agneau et les anges, avec son peuple, les élus. Continue à nous instruire et continue à voir ta beauté à travers tous ces événements-là. Amen. Si vous me permettez de résumer un petit peu, Jésus avait reçu de son Père, au chapitre 4 et 5, le livre des sept sceaux. Et le dernier des sceaux a enclenché les sept trompettes. Et ces sept trompettes amènent la colère de Dieu sur la terre. Et on a vu que les premières quatre trompettes détruisait un tiers de tout ce qu'il y a sur la terre. Un tiers des arbres furent brûlés, un tiers de la mer furent détruits et tout ce qu'elle contient et tous les bateaux qui sont dessus. Un tiers des sources potables ont été contaminées et devenues poison. Et un tiers de tous les astres lumineux perdent leur clarté. Et on a vu ensemble qu'un aigle se promène dans le ciel et crie. Malheur, malheur, malheur aux hommes à cause des trois fléaux qui s'en viennent. Hier, on a vu le premier fléau. Et c'est un fléau épouvantable. Des démons sortent de l'abîme. Et ils piquent les hommes, façon de dire symboliquement. Et les hommes souffrent terriblement, au point que tous veulent mourir. Pour éviter cette souffrance. Mais Dieu ne permet pas aux hommes de mourir. Vous savez, l'être humain n'est pas au contrôle de la vie qu'il a. Dieu contrôle la vie des êtres humains. Les êtres humains ne meurent jamais avant que Dieu le veuille. Ils ne dépassent jamais d'une seconde la longueur de vie qu'ils ont reçue de Dieu, ils ne la raccourcissent jamais non plus. Dieu est au contrôle de la vie et de la mort. Et ce matin, nous allons voir le deuxième malheur qui va atteindre le monde à ce moment-là, qui va être sur la terre. Lisons à partir du chapitre 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des bêtes de lion, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Le sixième ange sonna de la trompette. Ça ressemble un peu au cinquième trompette, n'est-ce pas? Le cinquième trompette, c'est des sauterelles qui s'attaquent aux hommes pour les faire souffrir seulement. Et ici, c'est des chevaux qui viennent faire du mal aux hommes de la terre. Et je présume que, comme ceux qui avaient le sceau de Dieu sur leur front ont été épargnés par des sauterelles, du fléau des sauterelles, ils sont aussi épargnés de ce fléau de chevaux et d'hommes qui vont les attaquer, de cette armée qui va faire mourir les êtres humains. Ça va de soi, ça va. Pour moi, c'est la logique qui est là. Parce que les enfants de Dieu, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, vont jamais, jamais, jamais subir la colère de Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui crie, un ange, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. J'aime ça entendre ça parce que je vois que tout est sous le contrôle de Dieu, tout est planifié de Dieu, de toute éternité. Il y avait un heure, un jour, un mois, une année qui était prévu de tous les temps. Pour que ces quatre anges-là soient déliés et qu'ils puissent faire du mal aux hommes. C'est maintenant le temps pour vous de faire les choses pour lesquelles vous avez été, qui étaient planifiées de faire. Le nombre des cavaliers, au verset 16, de l'armée, était 2 myriades de 2 myriades. Tous les commentateurs sont dit que c'était un grand nombre. Et cette armée est composée de chevaux et de cavaliers. Ils sont décrits, encore une fois, de façon symbolique. Comme les sauterelles étaient décrites de façon symbolique. Est-ce que c'est des démons, encore une fois? Ça ne surprendrait pas. Ça ne surprendrait pas. Peut-être. Je ne peux pas garantir ça. Mais ça ne surprendrait pas que Dieu dise, vous avez voulu adorer les démons, je vais vous en donner des démons qui vont vous faire souffrir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces chevaux et ces cavaliers-là, ils s'attaquent aux hommes. Ils reçoivent le pouvoir de Dieu de faire mourir le tiers des hommes qu'il y a sur la terre à ce moment-là. J'ai pas vécu, je suis pas encore assez vieux, pour avoir vécu la peste dans les années 1900, autour de 1900, 20, 10 ans, dans ces années-là. La grippe espagnole qu'on appelait, ou la peste noire qu'on appelait. Mais il y en est mort des millions et ça a été, semblerait, épouvantable. Comme effet sur l'économie, sur la planète. Mais ici, ça va être le tiers des hommes qui meurent. En combien de temps? Il n'est pas dit ici. Mais si c'est des démons ou des anges, et qui sont des myriades de myriades, ça va se faire très vite. Dans cette semaine, on voit un ange venir contre une armée des Midianites. Il en a tué 100 000 en pas grand temps. Et le tiers des hommes meurt. Et on s'attendrait à une réaction des êtres humains, favorable envers Dieu. Voyant que Dieu est plus grand qu'eux, plus fort qu'eux, plus puissant qu'eux. Voyant qu'ils n'ont pas aucun contrôle sur ce monde démoniaque ou sur ce monde céleste qui veut les détruire. Mais au verset 20, c'est marqué « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux. » Quels fléaux? Les fléaux qui viennent d'arriver. Ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se repentent pas. Pourquoi? Pour moi, le temps de la grâce est terminé depuis un moment déjà. Le temps de la grâce s'arrête quand la colère de Dieu arrive. Ils ne se repentent pas de l'œuvre de leurs mains. Ils ne cessent pas d'adorer les démons. Les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. C'est des idolâtres. Ils ne se repentent pas de leur idolâtrie. Et au verset 21, ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur enchantement, de leur débauche, ni de leur vol. Ils ne se repentent pas de leur débauche spirituelle, de leur enchantement, de leur meurtre. Les catastrophes humaines n'amènent pas les gens à se repentir. C'est la grâce de Dieu qui amène les gens à se repentir. La repentance est un don de Dieu. Si Dieu ne la donne pas, les gens ne peuvent pas se repentir. Et ici, nous voyons bien que Dieu ne donne pas la repentance, mais il déverse, eux, sa colère, et eux autres, on va voir un peu plus loin que leur colère augmente de plus en plus contre Dieu. Et s'ils ne se repentent pas, ça c'est les autres hommes qui ne furent pas tués. Ça veut dire que le reste des hommes, il n'y a personne qui va se repentir. S'ils ne se repentent pas, il n'y a pas de salut possible. Parce que vous et moi, nous savons que sans la repentance, il n'y a pas de salut possible. C'est pour ça que j'encourage tellement les gens à prêcher la repentance et la foi. Pas juste la foi en Jésus pour aller au ciel. La repentance et la foi. Parce que les deux sont utiles au salut. Ça, c'est le deuxième malheur. Si je résume un petit peu, une grande armée va être lâchée contre la race humaine. Que ce soit des anges qui vont venir de la part de Dieu faire un malheur sur la terre, ou que ce soit des démons qui viennent, le résultat va être le même. Ça va être la destruction du tiers des hommes. Du tiers des hommes qui vont mourir à cause de leur idolâtrie. À cause de leur idolâtrie. Parce que l'Église pêche. Les chrétiens pêchent. Mais les chrétiens adorent Dieu et adorent Christ. C'est cette même gang qui va être protégée, qui a crié dans le chapitre 5, à notre Dieu, notre salut, à notre sauveur, notre salut. C'est eux autres qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est eux autres qui ont été marqués du sceau de Dieu, qui sont épargnés de ces grands malheurs-là qui arrivent sur le monde. Si tu n'as pas été marqué du sceau de Dieu, si tu n'étais pas repenti, si tu t'es pas repenti, cher ami, repens-toi. Repens-toi de ton idolâtrie. Car sans cela, il y a un jour qu'il n'y aura pas de repentance possible et que tu vas être détruit. Et à nous qui se sommes repentis, à nous qui avons notre espérance en Dieu seul, en nous, nous qui avons mis notre foi en Christ seul, nous qui sommes les serviteurs et les servantes de Dieu, on se réjouit du fait que Dieu va emmener une fin à cette folie des hommes et qu'il va établir un paradis comme il avait voulu au début. Il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il dit à l'Église, persévère, lâche pas, je vais te mettre sur cette nouveau ciel, nouvelle terre-là. Et tu vas pouvoir m'adorer dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. Maintenant, tu m'adores. Maintenant, tu me sers dans ce monde chaotique, dans la souffrance. Et plusieurs d'entre vous meurent. Mais continuez à me servir. Un jour, vous allez pouvoir le faire dans la paix et dans la joie. Sans aucune crainte d'être massacré par les impies. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que tu nous as évité cette colère dans ta grâce, dans ton amour. Tu nous as donné la repentance. Tu nous as donné la foi. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Et à cause de ta bonté, de ta miséricorde, de ta compassion, nous faisons partie de ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front. Nous faisons partie du petit reste privilégié qui ne goûtera pas ces fléaux. Parce que nous sommes de ceux qui adorons Dieu et Jésus. Nous n'adorons pas les démons. Nous n'adorons pas les idoles qui ne voient pas, qui ne marchent pas, qui n'entendent pas. Mais nous adorons le seul, unique, vrai Dieu, créateur du monde et sauveur du monde. Amen.